pense sûr, y'a pas détente. Là, je suis dans la caisse, y'a plus de tasse gris des blondes. Pourquoi tu me fais le bandit? T'es un trait, je l'ai senti. Tu fais le mec qui est plein, mais on m'a dit que tu ramasses des senti. Moi, je pense pas la détente. Même quand je suis tendu, je vois le bonheur dans la tente. Quand t'es trop gentil, on tente. Tu le t'avais ma vie, je déballe. À cause de ça, mon bénéfice finit dans des mauvais états. Ça y est, il me faut mon magot. Mon passé n'est pas beau. Pourquoi tu me regardes travers, je te dis, je m'en bats les couilles, ta go. Je force personne à m'aimer, mais pourquoi il me jette? Il ferait tout pour me freiner. Tu bon carapé, pas de calide, pas de karaté. Mais parle pas de la maman, sinon je te jure, je vais pas te rater. Espèce de salaud, c'est qui toi pour menacer? Ferme ta gueule, apprends de moi, et si tu peux faire menacer. J'ai le cœur enlacé, la galère y'en a assez. J'suis toujours au quartier, j'commence à m'enlacer. Trahis pas la ronda, tu le sais carnales. Avec tes potos tu fais le dur, mais ta femme te met la laisse. Que il me jette. Je forçais personne à m'aimer, mais pourquoi il me jette? Il ferait tout pour me freiner. Y'a des fous partout, y'a des petits gantés. J'suis fier de mon parcours, joue pas le brigandé. Ce soir j'm'évade, j'ai bu d'alcool. Tu vois c'est cool, j'les remets d'accord. Et oui, oui moi c'est dur, oui moi c'est dur. Ils me prennent pour une star, tu vois pour moi c'est dur. Je taf toute l'année, j'te dis pas comme j'suis fané. Là y'a tout le monde qui m'écoute, même mes potos condamnés. Ils veulent que change, mais moi j'reste le même. J'peux pas changer vu la vie que je mène. Que ils m'jettent. Je forcerai personne à m'aimer, mais pourquoi il me jette? Il ferait tout pour me freiner. Que il me jette. Je forcerai personne à m'aimer, mais pourquoi il me jette? Il ferait tout pour me freiner.